Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'Archéologie de France Culture, le Salon Noir. La recherche sur le temps long s'accélère. C'est actuellement le cas autour d'un individu d'exception qui génère intérêt et débat au sein de la communauté scientifique. Il faut dire que le petit bonhomme est haut comme trois pommes, a le cerveau de la taille d'un pamplemousse, une drôle de trogne, et fut notre contemporain, à défaut d'être peut-être notre aïeux. Bienvenue dans la préhistoire des Hobbits sur l'île de Lilliput, non, l'île de Flores. Deux grandes revues internationales, Nature et Journal of Human Evolution, viennent de se consacrer à cet individu de quelques pouces. L'occasion pour le Salon Noir d'en savoir plus, avec Antoine Balzo, chargé de recherche au CNRS, que j'ai retrouvé dans son bureau du Musée de l'Homme. Disons-le, l'homme de Flores, disparu depuis des millénaires, est bien la découverte que personne n'attendait. C'est en effet quelque chose d'assez inattendu. L'anthropologie, la préhistoire, se construit sur ce qu'on peut découvrir, les données qu'on peut avoir. Ça fait à peu près 150 ans qu'on travaille sur ça. Et on essaye de bâtir au fur et à mesure un cadre le plus solide possible en ayant des hypothèses. Alors ça nous a permis d'avoir des idées sur les grandes lignes évolutives, la dispersion de l'homme. Et puis parfois, il y a des choses comme ça extraordinaires qui vont vraiment chambouler la vision qu'on pouvait avoir. Et là, l'homme de Flores, c'était vraiment ce cas-là. On avait une idée de ce que pouvait être l'homme, comment il avait pu évoluer, sa relation avec l'environnement, la manière dont il vivait. Et puis ce fossile, Flores, a remis en question plein d'idées qu'on pouvait avoir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a encore autant de débats, parce que pour certains chercheurs, cette découverte n'était pas imaginable, ne l'est pas, ils ne veulent même pas accepter qu'elle ait pu être faite. Tout commence par une fouille dans une immense grotte d'Indonésie. Nous sommes dans les années 2000-2003. La grotte de Liangbuak avait déjà été fouillée par le passé et tous les niveaux supérieurs avaient été complètement dégagés. Et il restait une grande surface dans cette grotte, mais il y avait un sol très très dur qui ne pouvait pas être percé. Les premiers fouilleurs, il y a très longtemps, croyaient même être arrivés à la base de la grotte. Et en fait, une équipe internationale, avec des Australiens et des Indonésiens surtout, a eu cette idée d'essayer de creuser à travers ce sol très très dur qui mesurait plus d'un mètre d'épaisseur. Donc ils ont choisi 2-3 zones pour faire des essais, ils ont pris le temps pour faire ces trous, et puis on fait plusieurs puits qui ont permis d'atteindre d'autres niveaux, cachés à plusieurs mètres de profondeur, et au fond d'un de ces trous, il y a eu ce trésor, ce squelette partiel d'un homme préhistorique complètement inattendu. Cet homme de Flores, on le surnomme le Hobbit, c'est donc qu'il serait tout simplement atteint de nanisme ? Il a été appelé comme ça parce que sa morphologie est réellement particulière. Alors, le premier spécimen trouvé, le plus complet, c'est un squelette partiel. Il y a le crâne, une partie des bras, des jambes, et ce qui permettait d'estimer sa taille qui était à peu près entre 1 mètre et 1 mètre 10. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu d'autres restes trouvés, d'autres hommes venant de ce gisement-là, des os isolés dans différentes parties de la grotte, qui montrent que plusieurs hommes avaient la même stature, avaient une taille autour d'un mètre, ce qui est quand même beaucoup plus petit que la moyenne actuelle, et c'est pour ça que ce surnom de Hobbit a été donné à ces hommes préhistoriques. Ce premier fossile, c'est un homme, c'est une femme, c'est un adulte ? Alors ce premier squelette, on est certain que c'est un adulte par rapport à l'éruption de ses dents, la manière dont les os sont fermés au niveau du crâne, les os du corps, etc. Pour l'homme de Flores, on a donc un seul individu assez complet, un seul bassin, mais par comparaison avec ce qu'on connaît chez l'homme actuel, on pencherait plutôt pour un sexe féminin pour ce premier individu. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous possédons non pas un seul individu, mais bien d'autres. On en aurait combien dans cette grotte de Liangbua ? Il y a les restes d'à peu près une dizaine d'individus, mais ce sont des objets isolés, retrouvés dans différents niveaux et dans différentes zones. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que la grotte a pour le moment pas été encore grandement fouillée. Techniquement, c'était très compliqué. Il fallait creuser à travers ce sol induré. Ils ont depuis élargi les zones de fouille, mais ils ont dû explorer un petit dixième de la surface à fouiller qui pourrait contenir des restes d'hommes de Flores. Ce qui, au final, fait qu'on a une dizaine d'individus sur une toute petite zone fouillée, ce qui est vraiment beaucoup comparativement à beaucoup d'autres espèces d'hommes préhistoriques. Est-ce que l'on peut envisager que nous soyons tout simplement sur des sépultures, des tombes ? Ça, c'est une grande question. C'est vrai que quand on trouve un squelette plutôt bien conservé, ça semble nous indiquer qu'il y a eu une conservation bonne, évidemment. Et une explication pour qu'une conservation soit aussi bonne, c'est que le corps a pu être enterré volontairement. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de données permettant de discuter cette hypothèse-là. Elle n'a même pas été soulevée au début, simplement parce que la découverte a été assez fortuite, la conservation de l'individu n'était pas parfaite, les os n'étaient pas en connexion anatomique, donc il n'y a pas eu les éléments au début qui auraient pu laisser imaginer ça. Et puis, les restes isolés des autres individus montrent vraiment une dissémination dans la stratigraphie et dans la grotte, qui montre qu'il n'y a pas une conservation complète de nombreux corps. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on peut totalement exclure et qu'on arrivera peut-être à discuter plus tard si des fouilles plus larges sont menées dans cette grotte-là. L'homme de Florès est donc un hobbit, mais a-t-il perdu réellement sa taille ? Est-ce qu'il a perdu sa taille ou comment est-il arrivé jusque-là à une taille aussi petite ? Eh ben c'est une question complexe. Évidemment, ça a été une des premières qui a été posée. On a un bonhomme d'un mètre dix, c'est une réalité, c'est même pas discutable. Il fait un mètre dix. Donc comment a-t-il pu faire un mètre dix ? Ben, il y a eu deux grandes écoles qui se sont affrontées, qui ont discuté le sujet. Une équipe de chercheurs plus restreinte, avec quelques médecins qui cherchaient à démontrer que c'était des cas pathologiques d'hommes modernes et essayant de trouver des explications liées à des pathologies actuelles. Et puis des chercheurs plus paléoanthropologues de plein d'équipes différentes qui ont étudié ce spécimen et les autres comme des fossiles, en comparant, comme on peut le faire classiquement, avec toutes les espèces connues, dont Homo sapiens, et montrant des affinités avec d'autres espèces, dont Homo erectus. Et puis après, on essayait d'interpréter cette stature particulière en comparant tout cela avec un phénomène qui est bien connu pour d'autres espèces animales, c'est ce qu'on appelle le nanisme insulaire. Et en fait, on se rend compte que dans des milieux insulaires, il y a un environnement très particulier, avec des ressources qui sont moindres que sur le continent, et que ça a une influence sur toute la faune, qu'en général, les gros herbivores ont tendance à devenir plus petits. On connaît par exemple des éléphants nains qui vivaient sur les îles méditerranéennes pour s'adapter à des conditions différentes. Et bien sur l'île de Florès, on a aussi un stégodon, c'est de la même grande famille des éléphants, qui était nain. Et à l'inverse, d'autres animaux de petite taille vont avoir tendance à devenir très grands pour se protéger des plus petits carnivores. Sur l'île de Florès, a été trouvé un marabout géant qui devait faire à peu près 2 mètres de haut, qui pourrait être aussi une adaptation à un milieu insulaire. Et donc quand on regarde la liste de la faune trouvée à Florès, on se rend bien compte qu'il y a un nombre important d'espèces qui a été influencé par cet environnement d'île et qui a changé sa forme au cours du temps. Et donc, des chercheurs ont testé cette hypothèse-là, de savoir si on pouvait expliquer la morphologie de l'homme de Florès par un nanisme insulaire sur un homme. Et alors, la comparaison était forcément difficile, parce que l'homme est un primate un peu particulier. On a un très très gros cerveau qui nous différencie de toutes les autres espèces de primates. Mais globalement, les résultats semblent montrer qu'on peut imaginer qu'un Homo erectus de stature plus grande, avec un cerveau plus gros, ait pu, avec le temps, suivant les mêmes courbes que celles que suivent les éléphants ou d'autres animaux qui deviennent plus petits, ait pu devenir du gabarit de l'homme de Florès dans un environnement totalement insulaire. Donc nous serions sur un phénomène de nanisme insulaire, c'est bien ça ? C'est une des hypothèses, c'est en tout cas l'hypothèse la plus robuste qu'on ait pour expliquer cette morphologie, non pas d'un individu, mais d'une série d'individus qui a été retrouvée sur cette île. Et c'est ce qui a aussi causé le début de certains débats, parce que cet homme est relativement récent d'un point de vue géologique, et proposer qu'il ait pu subir à ce point cet environnement remet en question ce que certains croient, que nous sommes tellement intelligents, tellement adaptés à notre environnement que nous le dominons. Et là, à l'inverse, on trouve un homme récent qui avait de bonnes capacités intellectuelles et qui pourtant a dû s'adapter à son environnement pour continuer à vivre. Antoine Balzo, il a quelle tête cet homme de Florès ? Il a une petite tête surtout. Alors son visage, on ne le connaît pas bien, mais on connaît la taille de son cerveau. Il faisait à peu près 400 cm3. C'est à peu près la taille d'un chimpanzé, d'un australopithèque pour le cerveau, où ça fait le volume d'un pamplemousse à peu près. Donc ça fait vraiment un tout petit cerveau. Le corps ressemble à un petit homme d'1,10 m avec des bras un petit peu longs, des mains un petit peu particulières par rapport aux autres espèces d'hommes préhistoriques connus à cette époque-là. Et donc ça nous fait au final un bonhomme qui ressemble pas du tout à ce qu'on peut connaître ailleurs, surtout à cause de sa petite taille et de son petit cerveau. On fait quoi avec 400 cm3 dans le crâne ? Pas grand-chose ? Tout au contraire ? Et bien ça, c'est encore une question presque à consonance philosophique et puis qui remet toute la discussion dans un contexte d'anthropologie depuis plus d'un siècle. On a cette idée reçue, nous, que l'évolution humaine est liée à l'évolution de la taille du cerveau et par évolution, on pense toujours que c'est vers du mieux. Et ce qui fait qu'on a tendance à croire qu'on a un cerveau de plus en plus gros au cours de l'évolution de l'homme et que c'est parce que le cerveau est de plus en plus gros qu'on devient de plus en plus intelligent. Alors ça, aujourd'hui, on sait que c'est en partie vrai. Globalement, il y a une augmentation de taille du cerveau au cours de l'évolution humaine, mais dans le détail, c'est loin d'être le cas. Par exemple, depuis 30 000 ans, notre cerveau a diminué en taille. On a un cerveau plus petit que les hommes de Cro-Magnon. Et puis on sait aussi que la taille du cerveau n'est pas directement liée à notre intelligence. Il y a des variations entre les populations humaines ou entre les sexes qui montrent bien que l'intelligence n'est pas directement corrélée à la taille de notre cerveau. Et puis cet homme de Flores le démontre à une échelle encore plus grande, parce qu'avec son cerveau qui est 3 fois plus petit que le nôtre, et 3 fois plus petit que celui des Néandertaliens ou des Homo sapiens qui vivaient en même temps que lui, on a la certitude qu'il l'a chassé, qu'il a vraisemblablement navigué, lui ou ses ancêtres, parce qu'ils sont arrivés sur une île qui a toujours été une île. Il fallait forcément pouvoir se déplacer sur un bras de mer qui était de grande taille. Donc il a su le faire, il chassait. Il avait un comportement complexe puisqu'il fabriquait des outils, des armes et qui était aussi perfectionné que ceux des Homo sapiens de la même époque, avec un cerveau pourtant 3 fois plus petit. Les chercheurs ont évoqué diverses théories pour expliquer donc ce nanisme, cette petite taille 1,10 m, la microcéphalie, une société pygmée, qu'est-ce qu'il en peut être ? Il y a eu plein d'hypothèses et en fait il y a une équipe de chercheurs qui tous les ans propose une nouvelle pathologie pour expliquer la morphologie de cet homme préhistorique. La limite dans leur approche, c'est qu'ils ne se basent que sur des ressemblances sans jamais trouver une réelle explication scientifique. Le fait que année après année, ils nous proposent un nouveau diagnostic démontre bien qu'ils ne sont pas robustes dans leur approche puisque toutes les maladies qu'ils étudient donneraient exactement la même morphologie à la fin. Donc leur logique est un peu étrange. Et à l'inverse, ils n'ont jamais pu trouver un spécimen actuel avec des caractères qui seraient les mêmes que celui de l'homme de Flores, simplement parce que c'est pas possible de trouver un Homo sapiens avec les caractères que pouvait avoir cet homme de Flores. Même s'il avait certains traits pathologiques, l'ensemble de sa morphologie montre bien que c'est un homme préhistorique d'une espèce différente de la nôtre. On a cherché aussi des sociétés pygmées indonésiennes, les Rampasana. Et le propos a été d'essayer de documenter la variabilité. C'est vrai qu'en Indonésie, il y a des hommes de plus petite taille. Et donc, certains chercheurs ont voulu essayer de comparer. Mais une petite taille, c'est quelque chose d'assez relatif. Quand on dit qu'on trouve des hommes qui font 1,40 m ou 1,50 m de moyenne comparé aux hommes d'aujourd'hui, qu'on dit qu'ils sont plus petits, même si c'est plus petit que les hommes d'aujourd'hui, c'est pas comparable avec 1,10 m. Et de la même manière, trouver des hommes avec un cerveau 10 ou 20% en moyenne plus petit que la moyenne mondiale, c'est pas la même chose que de trouver des hommes avec un cerveau 3 fois plus petit. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Antoine Balzo, vous avez étudié l'épaisseur du crâne de l'homme de Flores. Que cherchiez-vous ? Alors l'objectif était d'essayer de documenter toutes les structures internes cachées à l'intérieur du crâne qui n'avaient pas encore été étudiées sur ce fossile-là. Il y avait plusieurs aspects importants. Le premier, c'est qu'on a eu accès à des données d'imagerie de très bonne qualité qui nous permettaient de décrire la forme des sinus frontaux s'il y en avait, la structure de l'os et ainsi d'essayer de caractériser certaines choses qui étaient décrites comme des pathologies chez cet homme. Donc ça a permis de remettre à plat un certain nombre d'informations qui avaient été écrites par différents chercheurs en se basant sur diverses sources de données plus ou moins valides. Donc on a pu faire comme ça une sorte d'état des lieux, des connaissances sur ce fossile-là. Et puis le réel objectif scientifique, c'était d'aller au-delà, de finaliser l'étude de la pathologie et de tous les caractères liés aux maladies sur cet individu-là, et puis de proposer une étude de la structure du crâne, de la forme du crâne, d'un point de vue paléo-anthropologique, pour essayer de voir à quelle espèce cet homme de Flores se rapprochait le plus. Vous l'avez donc modélisé ? On l'a microtomographié, on a récupéré des données microtomographiques, après quantifié en trois dimensions et mesuré l'ensemble des structures et de l'épaisseur de la voûte crânienne en trois dimensions. Est-ce que vous avez regardé l'anatomie interne du crâne et qu'est-ce que cela peut-il nous apprendre ? L'intérêt d'accéder à tout ce qui est interne, c'est que ça augmente le nombre d'informations disponibles. C'est vraiment le grand intérêt de l'imagerie et surtout de la tomographie, c'est que quand on étudie un objet au sens large, en science, on va décrire un ensemble d'informations. Et pour un crâne, quand on quantifie, qu'on caractérise l'extérieur du crâne, on a un certain nombre de données. Là, on va avoir accès à plein de choses qui sont à l'intérieur du spécimen. La forme du cerveau, la structure de l'os, les sinus, l'oreille interne, toutes ces données-là qu'on ne pourrait pas voir sur le fossile original, à moins de le casser, ce qui serait quand même dommage dans le cas de fossiles aussi exceptionnels. Et donc, ça augmente grandement le nombre d'informations scientifiques qu'on peut obtenir. Que peut-on dire sur l'épaisseur du crâne de l'homme de Flores ? En fait, l'approche scientifique était double. La première, c'était d'essayer de comparer avec des Homo sapiens pathologiques, en particulier les pathologies qui ont été proposées comme explicatives de la morphologie de cet homme-là. Et puis comparer avec toutes les espèces qu'on avait pour essayer de voir ce qui caractérise cet homme de Flores et où on peut le classer. Et le principal résultat qu'on a obtenu, c'est que notre homme de Flores ne ressemblait absolument pas à ce qu'on observait chez les Homo sapiens sains, normaux. Il ne ressemblait pas non plus à ce qu'on pouvait observer chez des homo sapiens microcéphales, des hommes nains ou toutes les pathologies qu'on a pu étudier. Simplement parce que chez ces hommes pathologiques, on retrouve les caractères anatomiques qui définissent notre espèce. Quelques particularités qui permettent de reconnaître homo sapiens, ces fameux caractères dérivés d'homo sapiens. On les retrouve à la fois chez les crânes pathologiques et chez les crânes sains. Ce qui fait que cet homme de Flores n'ayant pas ces caractères-là, ça nous démontre bien qu'il ne peut pas être un homo sapiens et que les pathologies qui ont été proposées pour le caractériser ne fonctionnent pas non plus. S'il n'est pas homo sapiens, donc nous, l'homme de Flores serait quoi ? Ça, c'est la question qui reste ouverte aujourd'hui parce que notre étude de la morphologie de l'ensemble du crâne nous a montré un certain nombre de ressemblances avec Homo erectus. Globalement, la structure de l'ensemble de sa voûte rappelle réellement Homo erectus. Ça a été observé aussi sur les caractères externes du crâne. À l'inverse, il y a des caractères du squelette qui montrent qu'il aurait des ressemblances avec Homo habilis, voire avec les Australopithèques, sur ses proportions corporelles ou la forme des os de son poignet. Le problème, c'est qu'on a très très peu de matériel de comparaison pour Homo erectus. On a trouvé vraiment peu de fossiles, ce qui fait que quand on compare le poignet, par exemple, on a des données pour Néandertal, Sapiens, qui ont donc des formes différentes. On a des données pour l'homme de Flores et des données pour les Australopithèques. Et on trouve une ressemblance entre les deux, mais on ne sait pas si c'est quelque chose qui est aussi partagé avec Homo erectus ou pas. Donc pour arriver à clore ce débat et à savoir ce qu'est l'homme de Flores, il faudrait déjà trouver nouveaux Homo erectus plus complets pour pouvoir mieux comparer l'homme de Flores. Il faudra aussi continuer l'étude de cet homme de Flores, en particulier l'analyse de son cerveau, parce que le cerveau a vraiment une forme particulière et c'est probablement dans les méandres de ses parties cérébrales qu'on arrivera à mieux répondre à cette question et à savoir si l'homme de Flores est réellement une espèce à part. Alors ce qui plaide vraiment en faveur de ça, c'est sa stature et son tout petit cerveau qui sont des choses totalement uniques chez les hommes préhistoriques. Globalement, la communauté scientifique est assez d'accord pour en faire une espèce à part. Le statut de l'espèce n'est pas encore globalement accepté parce que justement, cet individu-là est tellement unique. Probablement, si d'autres crânes sont trouvés sur l'île, ça contribuera pas mal au débat. Et puis, il y a toujours cette dichotomie entre les équipes de chercheurs, ceux qui continuent à argumenter que c'est une pathologie. Alors, on leur souhaite soit de trouver réellement une pathologie actuelle qui arrivera à expliquer tout ça, soit de, relire tous les articles scientifiques qui ont pu être publiés par les paléoanthropologues et se rendre compte que peut-être que leur quête est assez vaine. Mais il y a encore ce problème-là qui existe et puis c'est sûrement avec de plus amples comparaisons qu'on arrivera à mieux apprécier les particularités de cet homme de Flores et à valider ou non son statut en tant qu'espèce différente. Ils l'ont écrit dans des articles scientifiques, Flores serait atteint du syndrome de Laron, de trisomie, voire de crétinisme. Cette découverte entraîne des hypothèses quelque peu débridées ? Les détracteurs de cet homme de Flores ont vraiment essayé de trouver diverses pathologies pour expliquer sa morphologie et en ont proposé des très différentes. Et il est vraisemblable qu'il publie encore de nouvelles hypothèses, mais c'est vrai que c'est surprenant dans le sens où ça donne l'impression que toutes les pathologies qu'ils ont pu observer et décrire donneraient exactement la même morphologie dans leur logique et c'est quelque chose de difficilement compréhensible. Vous avez étudié avec Philippe Charlier, qui était récemment mon invité, l'homme de Flores sur le plan paléopathologique. Quels sont les résultats? Est-ce que vous avez des pathologies? Alors évidemment, il y a des pathologies. C'est un homme préhistorique et c'est un homme tout court. On a tous nos petites pathologies et nos petits défauts. Là, on en a observé certaines. On a permis d'exclure aussi certains caractères qui étaient considérés comme pathologiques et qui sont finalement des choses tout à fait normales. Par exemple, il était dit que l'absence de sinus frontaux était quelque chose à mettre en rapport avec la trisomie ou le syndrome de Laronne ou d'autres pathologies. En fait, une absence de sinus frontaux, c'est quelque chose qu'on observe dans les populations normales d'Homo sapiens ou les populations normales d'Homo erectus. Donc c'est un caractère qui, a priori, est tout à fait normal aussi chez cet homme-là. Et à l'inverse, on a pu identifier de nouvelles données parce qu'on avait des images de meilleure qualité. On a vu une petite lésion osseuse qui devait être le résultat d'un impact durant la vie de cet individu-là. Et puis aussi une hyperostose frontale qui est un développement osseux sur la surface interne de l'os frontal, qui est quelque chose qui s'observe chez les hommes actuels, en particulier chez les femmes, qui est une pathologie mais qui ne cause pas de vrais problèmes, qui est lié juste à ses naissances normales. Et cette femme de Flores avait donc ce caractère-là, qui explique aussi un petit peu la forme particulière qu'avait été reconnue pour ses lobes frontaux. Les derniers travaux sur la forme du cerveau s'étonnaient de la particularité de la partie antérieure des lobes frontaux. Ça s'explique par ça, par ce dépôt d'os sur la surface interne de l'os frontal. L'homme de Flores fut daté tout d'abord de 11 000 à 18 000 ans. Aujourd'hui, un article paru dans la revue Nature revient sur cette datation. Oui, finalement, l'analyse montrerait que l'homme de Flores, le principal squelette, aurait autour de 50 000 ans et que ce seraient les dernières traces de l'homme de Flores dans la grotte et que les plus anciennes traces remonteraient autour de 200 000 ans. 50, 200 000 ans, c'est beaucoup? C'est beaucoup et pas beaucoup. Il faut pas oublier que c'est une période de temps qui correspond à ce qu'on a enregistré dans la grotte. Il y en a vraisemblablement eu avant, il y en a peut-être eu après. Et c'est une période de temps pendant laquelle on connaît d'autres espèces d'hommes préhistoriques ailleurs sur Terre. Et pour l'homme de Flores, l'implication que ça a, c'est que ça le fait remonter un petit peu dans le temps. Il serait peut-être un petit peu plus vieux que ce qu'on pensait. Et puis, il aurait disparu plus anciennement que ce qu'on disait auparavant. Et c'est vrai que la date de 12 000 ans au départ avait participé aux discussions et aux problèmes que posait cet homme de Flores, parce que 12 000 ans, c'était tellement proche de nous, c'était un moment où Homo sapiens était déjà présent partout en Asie insulaire. Donc c'était surprenant que cet homme de Flores ait vécu si tardivement en croisant autant Homo sapiens autour de lui. Finalement, la date de 50 000 ans, c'est une date qui colle mieux avec ce qu'on connaît de la distribution d'Homo sapiens. C'est l'arrivée d'Homo sapiens en Australie. A priori, Homo sapiens, s'il est arrivé à Flores, c'est à peu près cette époque-là ou après, mais en tout cas, ça enlève cette impression de survie très très longue de l'homme de Flores en même temps qu'Homo sapiens. Est-ce que l'homme de Flores aurait pu disparaître tout simplement au moment de l'arrivée de l'homme moderne, à savoir Sapiens Sapiens? C'est peut-être ce qui est arrivé, et pour le moment, on n'en a aucune trace, aucun élément, parce que c'est très difficile de montrer la contemporanéité des événements, à moins de trouver des squelettes d'hommes de Flores avec des outils enfoncés exactement dans le corps, montrant qu'ils ont été tués et que les outils sont typiquement des outils d'Homo sapiens. C'est très difficile de démontrer un lien de cause à effet. Ce qui interroge là, c'est que en Australie, quand Homo sapiens est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y avait une disparition massive de la grande faune. Il y a beaucoup d'animaux qui ont disparu en Australie, qui avait été une île, très grande île, mais une île isolée de l'homme pendant toute son histoire, jusqu'à cette arrivée récente d'Homo sapiens. Et Homo sapiens est un prédateur, mais surtout a des armes, a un comportement différent des prédateurs classiques. Et ce qui fait que très rapidement en Australie, il y a eu un impact très fort sur la faune et beaucoup d'espèces ont disparu. Et dans le cas de Flores, on a peut-être la même chose qui est arrivée, parce que le stégodon nain ou le marabout géant qui vivait avec l'homme de Flores n'existe plus dans les couches plus récentes. Et c'est pour ça que maintenant, on peut se poser la question de savoir si c'est pas l'homme, en arrivant, qu'aurait eu cet effet-là à nouveau de faire disparaître plein d'espèces et peut-être, entre autres, l'homme de Flores. Antoine Balzon, en tout cas, vers 50 000 ans, il y a une très très grande diversité de l'espèce humaine. Ça, c'est un fait absolument majeur et récent. L'exception, en fait, c'est presque aujourd'hui où il y a Homo sapiens et c'est tout. Parce que des espèces humaines, il y en a toujours eu beaucoup. Ça fait des millions d'années qu'on connaît une diversité humaine importante. Il y a 2 millions d'années, au moment où l'homme commence à sortir d'Afrique, on connaît au moins une demi-douzaine d'espèces d'hommes. Et même il y a 50 000 ans, au moment de Flores, on sait que l'homme de Flores existait, qu'Homo erectus était peut-être encore aussi en Indonésie, que les Denisoviens étaient vraisemblablement en Asie, que l'homme de Néandertal était peut-être encore un peu en Europe. En plus d'Homo sapiens, ça fait 4 à 5 espèces humaines différentes à cette époque-là. On les connaît peut-être pas toutes, encore celles qui étaient là. Et ça montre bien que l'histoire de l'homme, ça a été pendant très longtemps quelque chose de très buissonnant, avec une diversité importante, des interactions entre les espèces humaines. C'est pour ça aussi que supposer que nous avons été la cause de la disparition de tous les autres est peut-être un peu simpliste, puisque pendant très longtemps, nous avons cohabité avec eux. Donc, on ne les a pas détruits d'un seul coup. Et il y a eu donc ce mélange pendant très longtemps et qui s'est arrêté il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et donc, oui, c'est ce que je disais, l'exception finalement, c'est juste la période récente avec nous sur Terre. Antoine Balzon, que reste-t-il à faire autour de l'homme de Flores? Bien sûr, des études paléogénétiques, par exemple. Ce serait merveilleux que ça fonctionne. C'est un peu compliqué techniquement parce que l'ADN ne se conserve pas très bien en milieu tropical. Mais vu les progrès qui ont été faits ces derniers temps, on peut imaginer qu'un jour, ils pourront peut-être identifier quelques traces. Et c'est vrai que ce serait un apport important à notre connaissance de cet homme de Flores. La paléogénétique a vraiment contribué à ça ces derniers temps, en nous donnant des bouts de patrimoine génétique de Néandertaliens ou de Denisoviens. Par exemple, ça a été crucial pour justement montrer cette diversité humaine. On a longtemps eu un débat sur l'origine de l'homme actuel, sur le fait qu'il y avait eu peut-être qu'une seule espèce d'hommes récents avec des gros échanges génétiques, la paléogénétique a vraiment aidé à avancer dans ce débat-là, parce que même si ça nous a montré qu'il y a eu des échanges génétiques entre Erectus, Néandertal, Denisova et Sapiens, ça nous a surtout montré que c'était des événements exceptionnels et que s'il y avait eu participation au patrimoine génétique de ces différentes espèces, ça montrait bien qu'il y avait quand même une séparation claire de ces groupes humains et que Sapiens était une espèce anatomique et paléontologique différente des néandertaliens. Un petit peu interféconde, mais comme c'est le cas pour plein d'espèces animales aujourd'hui qui peuvent se reproduire entre elles et avoir des enfants qui pourront à nouveau avoir des enfants. Donc la lignée humaine est la même que beaucoup de lignées animales, avec des espèces qui se sont séparées il y a peu de temps, qui restaient interfécondes, mais qui sont quand même bien séparées d'un point de vue génétique et anatomique. Antoine Balzon, dans votre fort intérieur, l'homme de Flores, vous en faites une vraie espèce très différente de la nôtre, Sapiens sapiens, et probablement issue d'un Homo erectus, le fameux pithécanthrope de Java. Ma pensée par rapport à ça, c'est qu'indéniablement, il est très différent d'Homo sapiens, ou plutôt nous sommes différents des hommes de Flores ou des Homo erectus, parce que nous avons nos caractères propres. L'homme de Flores, j'ai pas encore de conclusion. C'est vrai que c'est délicat de conclure quand on a un seul fossile. Ce qui serait merveilleux, ce serait d'arriver à en trouver un peu d'autres dans cette île et puis d'en trouver dans d'autres gisements sur la même île. Non pas que ça donnerait plus de poids à l'existence de l'homme, puisque à partir du moment où on en a un, c'est bien la preuve qu'il a existé, mais que ça nous permettrait de mieux discuter de la variabilité quand même et nous permettrait de mieux comparer avec les autres espèces d'hommes préhistoriques. Donc ça aiderait bien à résoudre ce débat. Mais pour moi, en effet, il ressemble tellement à Homo erectus que s'il a un ancêtre, c'est vraisemblablement ses petits camarades indonésiens qui l'ont précédé. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Cédric Chatus, avec la contribution de Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, place à d'autres îles, la Polynésie, mieux les Marquises.